comprendre un itinéraire. Exercice 3. Maintenant, est-ce que vous pourriez m'expliquer comment aller à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle? Bien sûr. Alors, une fois à Paris, le plus simple est de prendre le car Air France, devant la gare Montparnasse. Vous descendez au terminal 2A. Très bien. Et ensuite? Vous voyagerez avec Air France. Départ à 23h15. Votre numéro de vol est le AF256. Vous arriverez à Singapour à 18h30, heure locale. Et après? Après, direction Sydney. Départ à 22h15, avec la compagnie Australian Airlines. Votre numéro de vol est le AA082. Vous atterrissez à 11h10, heure locale. Vous embarquez ensuite pour Canberra, le même jour, à 14h35. Vol AA1485. Eh bien, quel voyage! Et arrivé à Canberra, l'hôtel est loin? Le plus rapide, c'est de prendre un taxi. L'hôtel est à environ 20 minutes de l'aéroport.